Tiens, Chassagnol, comment ça va ce matin? Bien, monsieur directeur, bien. Et comment on dit, quoi, hein? Voyez, t'es tout ouvert, Chassagnol. Ça vient de derrière les bureaux, gros. Les cols blancs, secteur tertiaire. C'est nous, les gangsters. On est dangereux. Ouais, ma gueule. Représente la SOGEPAC. Ouais, ma gueule. Mais l'ASCAR de la COFRATEC. Ouais, ma gueule. Et la section comptable de la BHB. Ouais, ma gueule. Moi j'assure aux chaussures. Ouais, ma gueule. Portable clipsé à la ceinture. Ouais, ma gueule. J'mets que des chemises à manches courtes. Ouais, ma gueule. Et du candérel dans mon tuto ourd. Ouais, ma gueule. J'suis 100% dur de vachette. Ouais, ma gueule. Mes pompes assorties à ma mallette. Ouais, ma gueule. Toujours en chaussettes de tennis. Ouais, ma gueule. Je roule en Toyota, ma peu Prius. Ouais, ma gueule. Dans la rue j'suis jamais traîné. Ouais, ma gueule. Je zoom qu'à la machine à café. Ouais, ma gueule. J'ai presque l'attitude de 50 Cent. Mais le K40 est mon emblème. Ouais, ma gueule. J'ai Ikea, j'suis trop dans le game. Ouais, ma gueule. J'me jette tout en lisant FHM. Ouais, ma gueule. Dans mon bureau et aux toilettes. Ouais, ma gueule. Et même sur gros salope.net. Et tout le monde fait. Meilleurs amis s'appellent Mac et Compac. Dans tout mon barrio, au Sudoku, j'suis trop le Mac. À la défense, j'suis tapine, j'suis officiel. Sur mon phone, t'as la sonnerie de Raphaël. Downtown, les standardisés, toutes mes bitches. Le midi, j'les éclate, j'les régale en sandwich. Tous les vendredis, on se la raconte en RTT, ouais. Youpi, on sort les VTT. Moi, je tisse tous les samedis. Ouais, ma gueule. Et au karaoké, je vomis. La cravate autour de la tête. J'vends pas de cam, moi je l'achète. Ouais, ma gourmette c'est mon bling bling. Ouais, ma avec mon imitation Breitling. Ouais, j'habite la banlieue mais pas les blocs. Ouais, et mon carnet de check c'est mon Glock. Tout le monde fait. Ouais, on est dangereux, dangereux. T'as pas payé ta facture à 100 E? J'te bouque à vos services contentieux. Contentieux. T'as pas payé ta facture à 100 E? Ouais, ouais. J'te bouque à vos services contentieux. Méfie. T'as pas payé ta facture à 100 E? Tu fais.